Hey, ça marche! Yeah. Hey, salut, salut, salut! Asti, j'avais hâte d'enregistrer. Bon, c'est parti! Je suis excité. Mes litières sont faites. Ben, pas les miennes, là, ceux-là des chats. Le feu est parti dans le poêle. Je vais justement m'en enlever une doublure. Bon! C'est ça, mes petites tâches sont faites, tout a l'air d'être parti. Je suis en train de classer mes petits papiers. Je prends plein de notes partout, moi, sur des petits post-it, sur toutes sortes de petits bouts de papier. Puis là, ben, je suis en train de faire le ménage dans tout ça. Regarde, pendant que je les trie, non? Je vais vous les lire. Si j'ai des petites recherches à faire sur Internet, on va les faire. Morphvox. Hey, ça fait longtemps que je me cherche un quelque chose pour modifier ma voix live. Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent me contacter justement pour me le dire. Epicureaudio@gmail.com. Je ne le répéterai pas toutes les fois dans le podcast, là. C'est valide pour toutes les questions que je vais avoir. Je me cherche un logiciel pour modifier ma voix. Puis, en passant, c'est que quand j'enregistre, je ne peux pas m'écouter. J'ai mon micro-casque, personnellement, personne. Et puis, quand que j'utilise Audacity et que je mets mon son pour pouvoir m'entendre, j'ai toujours un petit délai. De base, je trouve ça plate parce que j'aimerais ça justement entendre ce que ça dit. Quand que je joue avec du papier comme ça, je l'entends-tu ou je ne l'entends pas? J'aimerais ça le savoir. Quand j'utilise ma petite enregistreuse personnelle de marque Olympus VN52 quelque chose, ben, je peux m'entendre, je peux mettre des écouteurs dans ça là, je trouve ça bien le fun. Là, ce qui arrive, c'est que j'enregistre, je ne sais pas ce que ça donne, c'est archi plate pour ça. Fait que c'est ça. Puis là, ben, j'aimerais ça aussi, si je pouvais m'entendre, pouvoir des fois modifier ma voix, mettre un petit P sur un piton, puis comme tous les effets que je mets des fois dans Audacity, mais je suis obligé de le refaire par après, puis j'aimerais ça savoir s'il y a moyen de le faire. Parce que si j'enregistre, puis que j'entends l'effet que ça donne. Ben, des fois, ça donne une idée qui se poursuit, que tu te laisses aller à triper en faisant de l'audio. Avec le bonhomme qui parle de même, puis bon. Fait que là, je pourrais des fois jouer justement. Moi, j'ai appris à force de faire des textes à jouer avec ma voix, moduler ma voix. Surtout quand je faisais la lecture à mes enfants, là. De jouer avec ma voix. Mais quand tu as des effets, t'essayes de t'imaginer dans ta tête comment ça donne. Mais c'est juste d'imagination. Puis après ça, ben, le logiciel, en tout cas, entre autres, Audacity, je le connais pas super full. Ben, qu'est-ce que ça va donner une fois fait? Je le sais pas tout le temps, là. Tu sais, j'improvise, là, j'essaie de m'imaginer qu'est-ce que ça va donner, mais je suis pas certain. Fait que là, c'est ça. Je vois un Morphvox. Je vais aller voir ça, ça va long. Bon, un petit tour sur le net m'a fait comprendre que Morphvox, c'est 30 quelques dollars. Je sais pas si c'est en US, mais en tout cas, pour de base, c'est trop cher pour moi. Et puis, ben c'est ça, tu as juste quelques jours de gratuit. J'avais aussi pris en note Aerial Sound Recorder, qui semble encore la même patente, qu'il t'offre un essai gratuit. Mais après ça, ben, si tu veux l'utiliser à long terme, ben, faut que tu payes. J'ai-tu besoin de vous rappeler que je suis un épicurien puis ça me tente pas de payer, moi, si je ne sais pas si vraiment je vais en avoir de besoin? Si vraiment je suis obligé, je vais payer. Mais sinon, ben j'aimerais ça peut-être m'en passer. Moi, ce que je cherche, dans le fond, souvent, dans un logiciel ou peu importe ce que j'ai dans la vie, je peux l'avoir gratuit. J'aimerais ça l'avoir. Je vais l'utiliser. Je vais découvrir des limitations. Après ça, ben là, tu vois ce qui existe d'autre sur le marché. Tu vois d'abord si tu aimes ça. Si ça fait, écoute, je vais l'utiliser longtemps. Puis si elle m'a dit, ouais, il me semble que je pourrais avoir quelque chose de mieux. Je veux vraiment avoir telle fonction. Je voudrais avoir telle fonctionnalité. Je sais ce que je veux. Fait que Morvox, je vous floche le petit morveux. En tout cas, à date, j'ai pas trouvé. Si vous avez des suggestions, je suis preneur. Ça fait que, excellent podcast, leçon du jour, dit papa et onde de choc. Je voulais éventuellement en parler dans ma capsule nouveauté, là. C'est ça. Le son du jour, c'est très bon. Les 10 papas, là, pour ceux qui ont des enfants, là, c'est une petite fille qui parle, qui pose des questions à son père, puis que son père, il essaie d'y répondre comme qu'il peut. Ça a vraiment de l'air à ce qu'on fait dans la vraie vie, pareil. Fait que le son du jour, puis onde de choc, ben, c'est en Europe aussi, puis ben, c'est pas pire, là. À écouter. Audiobook. Ce que j'ai marqué, interférence, méta-horreur et Quillhammer. Je check ça, je vous reviens. Get across an immense ethereal gulf, intellect vast, cool and unsympathetic, regarded this earth with envious eyes. Slowly and surely drew their plans against us. Interference by Eric Luke. Read by the author. Chapter 14. Vivian. Hi, Ben. Vivian Antonelli. You never call. Oh, I've been so busy, Ben. Too busy to remember your old buddies, apparently. Your business is going to dry up. You don't keep up your contacts, my girl. The lifeblood of the antique trade. No lectures, Ben. Please. An unexpected catch in her voice. She cursed herself. She wanted to keep this light. Pause. The faint hissing of the ether between cell towers. He'd heard something in her voice. What's up, darlin'? She had always loved the darlin'. But this time it meant so much more. A recognition that something was wrong. And he'd do what he could to help, if it was within his power. Ben Collins was definitely one of the last survivors of an almost extinct generation. Was anybody a gentleman anymore? Hey, c'est bon, hein? Ça a l'air beaucoup du... Scott Sidler, un autre qui écrivait des livres, puis il n'a pas réussi à se faire éditer, fait qu'il se demande, je me pars en audio. Interférence de Eric Luke, on dit que quelque chose veut rentrer dans votre tête grâce à ce livre, à travers un livre audio. Ethan, un ingénieur du son numérique à Los Angeles, se rend compte que sa vie se défait lorsque le livre audio qu'il écoute révèle ses secrets les plus sombres. L'escalade s'escalade jusqu'à ce que le narrateur du livre audio s'adresse directement à lui, menaçant de le détruire de l'intérieur. Viviane, une mère célibataire qui opère un magasin d'antiquités à San Francisco, écoute son audiobook pour se distraire. Ça a l'air assez cérébral, mettons, hein? Ouais, c'est ça, Scott Sidler. Je vais vous écouter ça, non, Eric Luke. Scott Sidler, là, moi, j'avais déjà écouté Contagious, après ça, Infected, puis après ça, il me semble qu'il y en avait d'autres. The All Pro, je l'avais pas écouté. Je sais qu'il y avait d'autres. Il y en avait d'autres, en tout cas, là. The Crypt. Ouais, c'est des bons livres en anglais, ceux qui écoutent en anglais, là. Vraiment cool à écouter. Infected, là. Solide. Eric Luke, qu'est-ce que j'ai d'autre pour lui? Quill Hammer. H-A-M-M-E-R. C'est ce que ça me dit. Il y a aussi un site web à son nom. Meta Horreur. Comment écouter? Interférence. Ouais, c'est ça. Fait que lui, son site, il s'appelle Quillhammer. Q-U-I-L-L-H-A-M-M-E-R. Son site à lui. Disponible aussi sur iTunes. Ok, donc, moi, j'écoute ça. Je vais sûrement vous en reparler. Après ça, c'est quoi que j'ai ici? Livestream, YouTube Live, Google Hangout on Air, Ustream. Ça, c'est tout pour faire de l'Internet live. J'aimerais ça savoir s'il y a du monde qui l'ont essayé. Peut-être qu'à un moment donné, j'aimerais ça pouvoir... en enregistrant, là, comme je fais là. Un peu comme il y a une interview au début, là. C'est-à-dire, on part un stream, puis pendant que j'enregistre, s'il y en a qui veulent embarquer, ils peuvent écouter live, fait que c'est ça, là. Je suis en train de regarder de ce côté-là. Fait que c'est ça, je me cherche une petite plateforme gratos, pas de tos, en tout cas, autant que possible, pas trop de pub, pas trop pour se faire chier. Éventuellement, celle-là, c'est parce qu'il faut que je trouve comment faire pour enregistrer. Ça s'appelle appear.in. Ça a l'air pas pire, sauf qu'il n'y a comme pas rien d'intégré pour pouvoir enregistrer. Qu'on peut avoir, je pense, c'est jusqu'à 8 invités. Jamais eu l'occasion de l'essayer, malheureusement. Fait que ça, je mets ça de côté. Live stream et compagnie, là. Un petit stream. Je prends l'heure pour tous ceux-là qui auraient des commentaires là-dessus. Si vous avez des choses à me suggérer. J'ai pas comme tel contacté encore avec Yann, là, mais sûrement qu'il va faire partie de mes décisions. Là. C'est un gars qui est assez souvent. Je pense qu'il revient en live, là, hein. Petit intermède, la minute à Katou. Là, ça roule, hein? Ouais, super bien. La minute à Katou. C'est. Qu'est-ce qu'une grand-maman fait avec ses chapeaux? Je sais pas. Elle les met. Y'a pas de choc. Après ça? C'est tout. C'est tout. Alors, fais quoi avec ça? C'est 10 secondes de Katou? Non, mais tu sais, je vais en rajouter, là. Ok. Faut que je fasse du montage, moi, là. Mais je sais. Okay. Mais c'est la première, là. Ouh, ça enregistre. Salut tout le monde! Faisons une minute de silence pour ma boucle d'oreille. Ok, c'est passé! C'est pour le chat, il brasse, oui! Mais, qu'est-ce qui s'est passé? La cucaracha est tombée dans la douche. Cucaracha. Attends! La cucaracha. Ouais! Ben non, mais tu sais, je vais trouver deux autres blagues, là, parce que c'est trois blagues, comme je l'ai expliqué dans le premier épisode. Donc. Il manque deux blagues. J'ai-tu dit la blague de la pomme? Non? Ok, bon, je vais la raconter d'abord. Ok, c'est deux amis. Il y en a une qui dit « Veux-tu une pomme? » Puis là, ben, elle fait « Ok. » Puis là, elle dit « Attends, je vais l'appeler. » Là, ben, son amie, elle fait « Ok, je vais t'aider. » Pomme, pomme! Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je l'appelle! Hey! Parle-moi donc de Gentio! Oui! J'ai réécouté le premier épisode, ok? Mais. Absolument pas entendu. OK, ben, James Yo Reba. OK. Dernièrement, j'ai écouté les autres épisodes, là. Ben, les premiers. Ben, j'ai réécouté parce que ça faisait longtemps. Puis, je suis vraiment fascinée par James Yo Reba. Non, c'est comme mon trip. Je suis seule dans mon lit, puis là, genre, je pars tout seul. James Yo Reba. Ben, je connais toutes les répliques par cœur, donc. Ça fait combien de temps que tu l'écoutes, là? Depuis que tu me l'as mis sur mon MP3, j'ai commencé en 6e année, je crois. 5, 6, non, 6. Ouais, donc ça fait un an là, que j'ai eu ça. Mais, dans saison 2, ça y est comme un petit bug, là. Parce que, au début, il était chez lui, puis là, il allait à l'école, puis tout. Puis alors, ça, dans la deuxième saison, il pouvait pas sortir de l'hôpital. C'est parce que t'as pas écouté la suite. Ouais. Peut-être. Ça va du plus loin que ça. On sort sur le bord de faire. Non, mais j'aime vraiment aussi la gorgone. La gorgone, j'aime vraiment sa voix. Comme. Puis, t'as des questions à lui poser? Comment ils font pour trouver ces idées-là? Sérieusement, ça me fascine. Puis, mais tu sais, ils ont comme plein d'idées, là. Je sais pas comment ils ont fait ça. La musique, tu me parlais l'autre jour? Oui, la musique est vraiment bonne. Puis, il y a aussi... je trouve qu'ils expliquent bien. Ouais, c'est clair. Mais tu sais, c'est quand même cool parce qu'il y a comme histoire, puis aussi dans sa tête à lui. Puis aussi, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est comme... Mélange les trois. Puis, mange les trois. Ça va bien ensemble. Je dis pas être DJ. Mais là, faut que je trouve une autre joke, là. Moi, ouais, parce que j'ai fait la pomme. Puis j'ai fait la blague du chapeau pas drôle. Je sais pas. Ouais, petit. Oh, attends, je vais regarder une explorer. Non. Non, c'est moi des jokes là-dedans. Oh! Ok, c'est. Oh oui, c'est là-dedans! Oh oui, c'est dans mon j'aime lire! Ok. Ok, bon. C'est deux amis qui se promènent dans la forêt. Ben, dans les montagnes. Il y en a une qui dit « La laine de ce mouton ne sent pas bon. » Puis là, ben, le mouton, il se frustre. Là, l'autre ami dit « Oui, il aurait dû se brosser les dents. » Puis là, après ça, son ami le regarde croche. Puis là, après ça, il lui répond « Pour avoir la laine meilleure. » À Cucaracha. Hey, j'ai vu, là. Mon ami était sur Facebook, là. Puis là, il y avait un petit bonhomme, là, parce qu'on peut mettre des emoji-cons, là. Puis là, il y a une madame qui est comme ça, OK? Puis là, ben, ça fait qu'est-ce qui va passer la Saint-Valentin seul, puis le petit bonhomme. Est-ce que tu bois vraiment dans ce verre-là? C'est même pas un verre. C'est un plat d'olive. Il m'a fait pour ça. Il y a plein de verres en haut. Je suis comme Gibbs dans NCIS. Hey, en français, là, elle dit, on raconte les récits d'aventure, là, comment les faire, là, donc les péripéties patentes, puis c'est vraiment plate. Puis là, ben, il a fait, tu sais, comme exemple, CSI Miami, là. Puis là, j'arrive, puis là, je fais, ouais, au début, là, ils ont tout le temps signé, puis là, tout le monde dans la classe fait, CSI Miami, ils ont tout le temps ses lunettes, puis là, toute la classe fait, hein, mais c'est vrai. Puis à la fin, ils remettent tout le temps ses lunettes. À un moment donné, genre, il oui, oui, non, ça, c'est au début, ça fait... mais à la fin, là, j'ai un épisode que j'avais regardé, là. Puis et là, il arrête le petit patin, là, il remet ses lunettes, puis là, il rentre dans l'immeuble en mettant ses lunettes. Je trouvais que c'est comme... pas futage. Bon, salut tout le monde. Salut tout le monde et à la semaine prochaine. Ok, tu es pas la semaine prochaine. Ah, le prochain épisode avec la minute Sakatou et la meilleure minute de toute la vie. Ah là là. Épicure, il y en a pas souvent, mais il y en a d'autres, assurément. Avec des minutes à Katou, c'est la vie pour tout. Ok, bon ben, ciao les amigos. Oh, bye. C'est que j'ai d'autre? Bah, sans fin de compte, là, c'est un paquet de notes que je peux pas faire un podcast rien que sur un des sujets, là. Ça passe comme neige au soleil, là. C'est surtout des questions souvent que j'ai, hein. Oh, ici, c'est pour ceux qui font des productions, des fois, on sait comme pas trop quoi dire, là. OK, c'est de moi, la musique, c'est d'un tel, là. Ce qu'il faut déclarer dans une production, souvent à la fin, là, on écrit ça, le titre de l'œuvre de la personne qui l'a écrit, dans une adaptation de, bon, sûrement vous-même, avec les coéquipiers que vous aurez, bruitage, assistance technique, montage, prise de son, mixage, assistant, réalisation, et puis, ben, c'est ce que j'avais dans ma petite liste, là. Moi, je m'en mets ça de côté. En tout cas, ça va être une bonne référence pour mes prochaines productions. Après ça, j'ai... Mort Radiotrama. Ah oui, hey, ça, faut que je vous fasse écouter ça. C'est tellement drôle. C'est un peu... Je viens de partir mon nouveau, en passant, hey, c'est mon Super Juice pour recueillir les podcasts. J'avais essayé Miro, j'ai pas été tellement impressionné. C'est parce que je suis avec un écurite hostie aigu de Etune, toi, Chris. J'en avais mon hostie de ras de bol. Ça m'a fait planter une couple de fois mon ordine. C'est de la merdouille. T'essayes d'ouvrir ça vite, vite. Et non, il décide qu'il télécharge toutes les articles de podcast que j'ai. On s'entend-tu que ça prend pas 3 minutes de télécharger les podcasts, moi, là? Ça fait que j'avais essayé Miro. C'est assez long à décoller. Merci. Tandis que Juice... ça n'a pas de l'air récent. Écoute, version 2.2, puis si je fais un about, ils disent même pas l'année. Écoute, c'était dans les années qui ne marquaient pas l'année. Mais en tout cas, j'ai vu que ça faisait une couple d'années que ça avait été fait. Et puis, c'est une fantastique découverte. J'adore la gestion des podcasts avec ça. Ça se drive de main de maître. Fait que, t'as pas eu, si tu m'as trouvé le pause, là, you, lui, c'est Audacity. Ok, je retrouve, je sais même plus ce que je cherche. Mort, Radiodrama. Bon, sortez de charge. Mais c'est ça, écoute, Juice, là, c'est vraiment fantastique. Je vous mets c'est l'épisode 384. Traveling back to 1918. Henry! It's okay. The shielding unit absorbed the bullet. You are amazing. You just ran up to him and activated the teleportation device on his person. I remember I was there. How did you even know that it would take him to his next program destination? I didn't. We just seemed out of options and it had a button, so I pushed it. Xavier! Are you okay? No! I was shot several times, you fathead! It is too late for me, but... you must get back the orb. What's that in his hand? Smart lady, I tracked him using the Trackatron? Yes! The teleportation energy residue indicates that he went somewhere in Berlin. Find him! Find him or we're all doomed! Xavier? Xavier? No! Don't die, you bastard! You can't die! And stop slapping me! He was my mentor. My only friend. Henry, I'm so sorry. Stop wasting time! Just go! Before! It's like I can still hear his voice. We need to get to Berlin. Do you speak German? No. French? Non. Ils ont tout l'air de s'en crisser que le bonhomme il est mort. Tu parles-tu anglais, tu parles-tu français? Après ça, j'ai Peerio.com. C'est un logiciel de messagerie et d'échange de fichiers hautement sécurisé. Ça marche sur Chrome, là. J'en ai entendu parler à Radio-Canada. J'ai fait quelques recherches aussi de ce côté-là, savoir qu'est-ce que le monde en disait. Et en effet, il paraît que c'est indécryptable. C'est le seul, en tout cas, à ce que je connais, c'est le seul logiciel... C'est le seul qui utilise une clé d'encryption dès le départ. Quand on veut se créer un compte, on nous demande un nom de compte, un mot de passe. Et ensuite, il nous demande une clé d'encryption. La clé, il faut qu'elle soit assez longue. Je ne sais pas c'est quelle longueur, là, mais c'est une phrase, là. C'est pas le nom de ton chien ou de ton chat là, que t'écris là. Faut que tu sois un peu plus original, puis c'est assez long comme clé. C'est un logiciel qui est open source. Ça veut dire que tout le monde peut voir le code source. Mais même si tu vois le code source du logiciel, c'est que c'est vraiment la clé d'encryption à l'origine. Pardon. Qui fait foi de crypto choses, non? Fait que, puis on peut juste envoyer des messages entre personnes membres de cet univers-là. Sauf que c'est très. Ça coûte gratos, ça coûte rien. Ils sont encore en période bêta. Qu'est-ce que je vois là-dessus? Le futur, blablabla. Actuellement, c'est ça. Ils sont sur Chrome, Windows et Mac OS X. Quand tu veux t'inscrire, ils te demandent un nom d'usager, ton nom, ton email ou un numéro de téléphone. Après ça, tu rentres une longue phrase qui a 26 caractères de long, minimum. Fait qu'on s'entend que c'est assez long. Une fois ces étapes-là faites, il vous envoie au email ou au numéro de téléphone que vous avez fourni, il envoie un code d'activation. Donc, après ça, on retourne sur le site. On va chercher ce numéro-là. On le rentre sur le site. Et à ce moment-là, on est connecté. La grande phrase que l'on a créée, on peut aussi créer un mot de passe plus court qui appelle un PIN, qui est un mot de passe plus court qui vous laisse vous brancher sur une unité plus rapidement pour éviter de rentrer la grande phrase à chaque fois. Mais c'est la phrase qu'on utilise, c'est ce qui sert entre autres à crypter les messages. Le numéro de PIN, il peut changer selon les appareils que vous allez utiliser. Donc, sur un même compte, si vous avez un iPad ou au travail, mais vous pouvez à ce moment-là avoir un numéro de PIN différent au travail, un numéro de PIN différent à maison, un sur votre, iChose. Fait que c'est vraiment, en tout cas, moi, à date, là, bon, j'ai pas personne, là. Je me suis créé. C'est que c'est ça? Wait, 20% off on some VPN today. Non, je veux pas ça. T'as là une petite calice de pub qui apparaît, ça? Hey, j'achève-tu, même? Ça fait combien de temps que je vous... on est raisonnable. Voyons donc, calice. Ça fait même pas une demi-heure. Fait que Peerio, P-E-E-R-I-O. C'est pour ceux qui aiment découvrir des sagas, je vous invite toujours à visiter Netophonics, Netophonix. Ce que j'ai d'autre, Ravenloft. Oh, on est en train à job. Il y en a un qui j'avais déjà parlé sur mon podcast que je voulais jouer un genre de donjon et dragon, mais peut-être avec des. En tout cas, j'avais déjà joué à Vampire, là. Bref, au travail, c'est ça. On a parti une game de donjon et dragon, mais dans l'univers de Ravenloft. Ravenloft, c'est avec des morts vivants, là. Je connais pas encore tout. On s'est fait une game. Je vais faire un petit peu d'édition, puis je pense que je vais vous la mettre en ligne si je vois que ça a de l'allure, là. C'était d'une salle de conférence, fait que je sais pas si le son va être bon. Puis le gars, il avait mis de la petite muse, là, une petite musique d'ambiance. C'était bien cool. On était 5. Puis, c'est ça, avec le maître de jeu, ça faisait 5, on était 4 joueurs plus le maître de jeu. Fait que mon personnage, je suis un magicien, un gnome, un genre de nain de jardin, là. Et puis, mon petit nom, c'est Trakahas. Fait que Trakahas ou Traka. Ça dépend comment on le dit, là. Les gnomes, ils ont toutes sortes de plein de noms, là. Fait que je suis très, très content de ce côté-là. On a réussi à se partir. Je voulais partir une petite game de donjon. Cette fille, j'en ai une qui est partie. Sticks and stone will break my bones, but words will never hurt me. C'est beau, ça, hein? Sticks and stone will break my bones, but words will never hurt me. C'est une phrase que j'avais pognée dans Stephen King, Le Dôme. Le Dôme de Stephen King. J'ai le temps, hein? J'avais dit que je parlerais de Hello, Hello, Hello, Hello, Hello. C'est que j'ai sur Hello. Je pense que j'avais printé 2-3 notes. Une note qui m'avait... J'avais dit que j'en parlerais, puis il y en a qui m'ont envoyé des commentaires. Je m'en vais vous lire ça. Là, j'aime vraiment ça, Hello. Là, ça fait un petit bout que j'ai été moins actif, là. Il y avait Lolo Bobo qui disait sur Hello, Kinet, nous sommes en train de défricher, comme le dit si bien Monsieur Le Poireau. Nous inventons un nouveau chemin et nous créons de nouvelles formes d'échange aux quatre coins de la francophonie et de la planète en nous obligeant à réagir et échanger. Finalement, Hello fait de nous des paysans bâtisseurs qui construisent des nouveaux chemins et y plantent des iris. C'est-tu beau? C'est ça, il y en avait un qui voulait parler de Hello à ses étudiants. Puis il demande « Qu'est-ce que je dis à propos d'Hello? » Entre autres, vous allez pouvoir voir HelloZen. C'est une contraction de Citizen et de Hello. Vous allez aussi trouver souvent des Helloers. Et c'est que j'ai d'autres après ça. Il y en a un qui suggère de relire Le désert des Tartares. Quitte à avoir un réseau un peu plus exigeant au niveau des échanges, mais aussi plus riche au niveau de leur qualité. Les mains et nuits, esti. Concernant Hello, le premier de... J'ai un post ici qui venait de, je ne sais plus trop qui, Lolo Bobo, je crois. J'ai un post ici qui venait de chez Wham, qui est une dame très, très active sur Hello. Et elle a fait un excellent post et je lui avais demandé l'autorisation pour pouvoir l'utiliser dans mes audios. Elle a accepté, bien sûr, avec mes charmes, écoute bien. Quelques conseils à un Helloer débutant. Ma première affaire, là, suivez Épicure Audio, bien sûr, moi-même. Suivez Chewam, Chezwam. Et il y a aussi Lolo Bobo, Lolobobo. J'en avais déjà parlé. Et voici les conseils de chez Wham à un débutant. Premier de ces conseils, ne croyez rien de ce qu'on a pu vous dire sur Hello. Et n'écoutez aucun des conseils des gourous du web social. Hello n'est pas un nouveau Facebook et surtout pas un nouveau Facebook killer. Ce n'est pas non plus un autre Twitter. Hello, c'est quelque chose de différent. Dans les dernières semaines, je vous dirais que, en tout cas, moi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de photos et de vidéos. Avant, c'était beaucoup plus texte. Mais là, on dirait qu'il y a un pause sur 2-3. Là, j'ai peut-être un bon ménage aussi à faire de ce côté-là. Là. Hello est encore en bêta. Je ne sais pas s'il est encore en bêta ou si on fait une relâche officielle. Je ne sais pas. Hein? Faudrait que je check de ce côté-là. Il est animé par une toute petite équipe. Si vous rencontrez un bug, prenez votre temps pour envoyer un email à bugs@hello.co et vous allez être surpris comme ils sont réactifs et en effet, ils le sont. Chaque semaine, on voit des posts passer qui disent « on aurait des tels problèmes, nouvelle application, maintenant vous pouvez mettre des photos ». Il y a toutes sortes de petits trucs, des petites affaires. Puis des fois, tu vois qu'il y a de nouvelles fonctionnalités qui essayent. Ça marche une semaine, quelques jours. Ça n'a pas fait l'unanimité. C'est flush, ils n'ont pas de temps à perdre avec ça. Ils font des essais, ils s'amusent, les gars. Deuxièmement, allez faire un tour dans les paramètres. Pour accéder aux paramètres, cliquez sur la petite icône en forme d'ancrage en haut de la colonne de gauche et vérifiez les quelques points suivants. Qui êtes-vous? Tout d'abord, prenez quelques secondes pour rédiger une courte bio. Elle n'a pas besoin d'être sincère et exhaustive, mais pensez à y indiquer quelques indices pour vos visiteurs. Par exemple, la ou les langues dans lesquelles vous conversez. Il y en a un hostie de paquets qui mettent des posts que leur bio est marqué en anglais, Mais Chris, il communique après rien qu'en français. Bien, écoute, si tu vas avoir du monde qui jase avec toi, je sais pas c'est quoi cette maladie-là, mais en tout cas, c'est pas grave. Il y a un paquet qui voulait avoir du monde, j'imagine, puis après ça, il tombe à placoting en français, là, mais bref. On entend souvent ça, du monde qui boive en faisant le podcast. En tout cas, pas en direct de même. Tant qu'à y être, mettez une photo d'avatar. Mais en tout cas, moi, je suggère de ne pas trop le changer souvent, cette affaire-là. C'est que j'ai d'autres après ça. Personnellement, je vous conseillerais de cocher la petite case qui dit autoriser les commentaires, parce que si vous ne le faites pas, ben les gens ne pourront pas échanger sur les posts que vous faites. La section NSFW, Not Safe for Work, pas sécuritaire au travail. Personnellement, je vous suggère fortement. Au début, moi, j'avais fait l'erreur. Là, j'ai dit, ah, c'est massacré, il m'a dit tout ça de cette niaiserie. Je l'avais coché pour dire que ce que j'allais dire, ça allait être un petit peu disgracieux pour certains. On est capable d'en prendre. Hein? Si vraiment vous postez des images de cul, si vous êtes vraiment, vraiment hard, vous pouvez le mettre. Mais si vous faites juste en parler une fois de temps en temps, puis que ça pose en cours de la conversation, ben, hostie, enlevez-les. Au pire, là, ben, les autres, ils vous le diront. Parce que le problème, c'est que si vous mettez NSFW, vous allez vous bloquer beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Fait qu'au pire, créez-vous des contacts, puis après ça, mettez-les un petit peu plus tard si vraiment vous. Si jamais il y en a qui disent, hey, t'exagères un petit peu sur le pain béni, ben, si vous le mettrez à ce moment-là, là, mais vous aurez déjà 15-20 membres, là. Puis je vous suggère ben soit de les masquer ou de les voir, le rendu là, de cette façon. Mais ça, vous pouvez le mettre au fur et à mesure. Moi, quand je suis au travail, je clique pour que ça soit sécuritaire au travail. Fait que les affaires bizarres, je les ai pas. Puis quand je suis à la maison, ben, je retourne dans le setting, là, les petits trous, puis je m'en vais le mettre actif. Fait que là, à ce moment-là, toutes les affaires bizarres, ben je les ai. Mais là, chez nous, fait que ça dérange pas personne. Troisièmement, postez un premier message. Un vrai. Pas uniquement hello, hello. Hello, hello. Non. Écrivez un petit quelque chose, un lien vers de la musique, vers des podcasts sur votre podcast, des podcasts que vous aimez, de la musique. Bon, en tout cas, postez ce que vous voulez. En passant, ne vous posez pas la question sur ce que l'on peut poster sur Hello. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de code, c'est vous qui décidez. On peut poster des grandes images, des crises de long texte, on peut insérer des liens vers des vidéos. Ici, il disait, pour le moment, on ne peut pas intégrer de vidéos directement. Faux, maintenant c'est faux. Ah, c'est cool à part de ça, quand on fait la différence entre une photo et une vidéo. Oui, il y a le symbole play là, dans l'image, mais quand c'est une vidéo, ça fait comme un effet de zoom sur le. Quand on roule dans l'écran, là, ça fait. C'est vraiment cool. Quatrièmement, et ce que je crois qui est le plus important, c'est parce que quand tu essayes aussi de trouver du monde, puis qu'il y en a qui postent. C'est parce que mec, tu peux poster sur ce que les autres ont sur les posts des autres, mais ça n'apparaîtra pas dans ta page à toi. En tout ton nom, puis ta petite bio, là. En tout cas, il y a des chiffres là. Le premier, c'est ton nombre de messages. Après ça, tu as le nombre de personnes que tu suis. Puis après ça, tu as le nombre de personnes qui te suivent. Fait que quand tu vois qu'il y a une personne qui a un post qui a écrit Hello, hello. Asti, je sais pas, c'est intéressant, là, surtout que ça fait 2-3-4 mois qu'ils ont écrit. Bon, je pense qu'on peut l'oublier, cette personne-là n'est pas très intéressante à suivre. Fait que si ton profil, ben c'est ça, t'as juste un post, ben c'est pas bien ben le fun. C'est sûr qu'il y a beaucoup de morts au combat, là. S'il y en a qui arrivent, là, puis ils sont pas débarqués du bateau, ils sont déjà morts, là. Il y en a qui arrivent, puis que premier poste, hein, c'est platicite, il n'y a rien à faire. Bon, il se flush les lignes, là. Il y en a qui datent de 4-5 mois, puis rien d'intéressant là-dedans, là. Fait que troisièmement, poster un message. Quatrièmement, commenter. Vous allez vite le remarquer, il n'y a pas sur Hello ni de reposte, ni de plus un, ni de like, ni de retweet. Il y a des façons de faire des reposts, là, mais en tout cas, ça, vous découvrirez ça plus tard. En tout cas, j'en parlerai. J'ai pas tellement fait de reposts, moi, personnellement. En tout cas, je sais que ça se fait. Mais bref, quand vous allez trouver du monde, réagissez, écrivez quelques mots, quelques paragraphes si vous êtes inspiré. Un peu comme dans tous les réseaux sociaux, plus que vous allez interagir, plus que les gens vont interagir avec vous. Quand j'ai commencé, si je tapais là-dessus comme un cochon, ça n'avait pas d'allure, ben j'avais de l'interaction aussi. Là, bon, depuis les fêtes, j'étais un petit peu occupé, un petit peu moins de temps. Ben, j'étais pas né justement sur mon podcast pour mettre ça à jour. Puis bon, après ça, ben, au travail, on a eu un quinzaine, une semaine de temps. Pardon. J'ai eu ben des activités. Ben là, ça fait un bout. Ben, Chris, je n'ai plus. J'ai pas tellement d'interaction dans les dernières semaines. Mais dès la minute que je vais recommencer à écrire, si le monde va arriver. Cinquièmement, commenter. En fait, ce qu'on veut dire ici, c'est que si vous voulez répondre à un blog, répondez sur le blog plutôt qu'en écrire un autre. Commentez, écrivez, commentez, créez des d'interaction sur votre site, mais si vous interagissez pas, c'est parce que moi, c'est que les autres ne peuvent pas vous voir si vous n'êtes pas là. Fait que si vous interagissez sur les posts des autres, ben, les autres vont vous voir, ils vont dire « Ah, oh, c'est intéressant ce qu'il dit. » Ben, Chris, après ça, ils vont vous mettre aussi comme ami. Puis à ce moment-là, là, ils vont voir les publications. Mais sinon, c'est que de base, tu ne vois pas toutes les publications qu'il y a dans l'univers. Sixièmement, posez des questions et répondez aux questions des autres. Vous allez découvrir cet univers-là tranquillement. Tout le monde le découvre dans l'avenir. Il y a toujours du monde qui vont découvrir cette plateforme-là. Prenez le temps de le répondre. Prenez le temps. Vous venez de découvrir un nouveau, vous êtes nouveau. Ben, nouveautons-nous ensemble, puis c'est ça qui est ça. Ah, en passant, les commentaires, quand vous allez voir un commentaire quelconque, pour toutes les réponses subséquentes, vous commencez par en bas de la liste. Mais au début, je trouvais ça weird. Puis en fin de compte, je trouve que ça a bien de l'allure. C'est qu'une fois que tu as commencé à suivre une conversation ou quelque chose, un post, ben, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'en bas pour savoir toute l'histoire. Parce qu'éventuellement, là, là-dessus, il y a un post qui va générer beaucoup de réponses. Donc, les dernières réponses se retrouvent juste en dessous du message. Fait que quand vous voulez prendre l'historique d'un message depuis le début, ben commencez en bas, puis remontez. Il y avait un autre média social qui est comme ça, là. Je sais pas. Google, Gmail, je sais pas. Je sais qu'il y en a d'autres, là, des plateformes comme ça. Bon, minuit et demi. Va bien falloir que je vous coupe ça court, hein? J'avais d'autres notes, moi, que je m'étais pris sur le côté. La communauté qui est vraiment cool. Dans l'univers francophone, si vous voulez trouver l'univers francophone, suivez le dôme. @ le dôme. C'est la communauté francophone qu'on a. Ben c'est Lolo Bobo qui avait créé cette entité-là. La notion de dôme, c'est que vous allez voir du côté des francophones. Ça a été créé par c'est Pascal Ninja. Quand elle est arrivée, un des premiers posts qu'elle a écrit et qui a vraiment créé un hype sur Hello, c'est qu'elle a fait la comparaison que Hello ressemblait au dôme dans Stephen King. C'est vraiment une expression qui image bien ce qu'est Hello. C'est très étanche, c'est fermé. Ce qui se passe là, c'est comme ce qui se passe en Afrique, qui reste en Afrique. Là. C'est un autre univers, c'est un autre média social. En tout cas, moi, je sais bien que personnellement, j'ai flushé tous ceux-là que je voyais que c'était les mêmes hosties de posts que sur Facebook puis sur Twitter. Ils ont débarqué. Gars, moi, si tu fais une copie conforme de ce que tu as sur les autres médias sociaux, tu viens de prendre le bord, mon grand. Puis, c'est ça. Le dôme, ça s'explique pas, ça se vit. Fait qu'allez faire votre tour sur Hello. Allez voir le site Le Dôme. Ceux qui vous semblent intéressants. Et puis, bien sûr, je suis prêt à vous accompagner. Je peux vous prendre par la main. Faites-moi signe. Puis, c'est sûr que je ne vous abandonnerai pas. Je vais vous montrer un peu ce que je sais. Je sais pas tout. Je suis pas un professionnel. Puis, c'est ça. En tout cas, rentrez en contact avec moi. Je vais vous dire c'est qui les meilleurs. Le rendu là, on mettra pas ça à tout le monde. Là. Hein? Entre vous puis moi. Entre toi puis moi. T'aimes-tu mieux quand je dis tu ou quand je vous dis vous? Vous voulez-vous-tu que je vous tutoie? Bon, Nanoff is enough. J'ai-tu d'autres choses? Pas mal ce que j'avais pour tout de suite. En tout cas, je suis content, hein? Ça m'a fait faire un hostie de ménage dans mes papiers. Les autres, ben, ça tombe pas mal plus limité à moi. Mike Patterson, un humoriste. Bon, faut que j'aille voir un peu, là, c'est qui ce gars-là. Sugar Sammy, que tout le monde parle, mais que je ne connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Il paraît qu'il est bien drôle. Fait que je verrai bien ça. Après ça, ben, c'est ça qui est ça. J'ai pas d'autre chose. On sort jase. J'ai été bien occupé, là, comme je vous disais, en cours de route, là. C'est ça. Je voulais mettre, là, mes capsules nouveautés que j'avais faites. Seule chose, pense, parce que là, si, écoute, j'en ai, il y a tous les mois, j'en fais une, là. Fait que ça fait pas 2 ans que je fais ça. Fait que là, ça fait 24. Post à faire. Fait que là, je vais les compiler à fin compte par année. C'est pour ça que j'ai pris un peu de retard. Je vais tous les prendre par année, puis les faire un, dans le fond, un épisode avec ça. Là. Tant qu'il y a au fait à télécharger, c'est 10-12 épisodes là, à tous les années. Christ ordinaire. Fait que moi, tu dis, bon, ben, je télécharge le pack de 2014. Ben, écrit, faut moins qu'il ait téléchargé 2014, vous allez tous les avoir. 2013, ben, vous les aurez toutes. Puis 2015, ben, c'est ça, on est en route, là. Fait que ceux-là, je les posterai au fur et à mesure. Puis ce que je vais faire, c'est qu'éventuellement, je vais les faire disparaître. Mettons 2015, à la fin de l'année, je fais tout disparaître celui-là de 2015, puis je fais un pack 2015 avec. Fait que, avec Christian Abbott, là, à un moment donné, à télécharger, là. Puis une fois que t'es parti à les écouter, ben, écoute, tu les écoutes pour l'année au complet. Ouais, écoute, ça fait un bout, là, à écouter, mais écoute, c'est 10 minutes par épisode. J'en fais à peu près 10, 11, 12, ben, écoute, il y a 12 mois. Fait que c'est maximum 12, là. Fais des calculs, quoi, si t'es capable. Ben, c'est ça, hein? Épicure, il n'y en a pas souvent, Mais il y en aura d'autres. Assurément. Assurément qu'il y en aura d'autres. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Écoute, je m'ennuie tellement des fois de parler dans le micro. Tu sais, j'ai des fois, moi, je sais pas quoi dire. Puis c'est ça, moi, je me ramasse avec plein de petits pauses, plein de petites patentes par-ci, par-là. Que, écoute, je ferais pas un pause pour dire « Hey, écoutez donc telle affaire. » Ben, peut-être bien. Peut-être bien, mais en tout cas. Je suis encore en train de découvrir, puis ça prend quand même du temps, des fois, à faire un petit peu de montage après. On va essayer de s'en sauver. Bon, on arrête ça. Puis qu'il y en a pas souvent, mais il y en a d'autres, assurément! Avec des milliers de cadeaux, c'est la vie pour tout. OK, bon ben, ciao les amigos. Ciao!